rentre chez sa fille doudou. Qui j'en au café, si porte moins comme ça. La pipe est tombée pour effacer toute trace à tchère en moi. Mais vos doudous, ou pas qu'à oublier. J'ai passé ensemble, déjà consolidé. Affection et puis tendresse, qu'elle nous peut pas acheter. Mais si j'ai dit nous séparer, c'est parce que ça t'est privé. Même si nous t'es savé que tu es en nous t'es plein d'amour. Parce que nous t'es un qui a délégé, nous t'es plein d'amour.